Le 9 janvier dernier soulignait le retour de cette ignoble créature aux allures louches, aux comportements imprévisibles, aux habitudes dérangeantes et aux raisonnements incompréhensibles. Bref, tout ce qui est plus désagréable et qui décrit bien Sinistrose. Et aujourd'hui, le 15 mai 2018, souligne le début de ma dépression. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque l'assistant devra soigner le médecin, mais aussi ses patients, ce qui équivaut à un adieu pour tous. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Let's go, Testament. Michael Peretta Show. What's the- Well, c'est tout. À la semaine prochaine. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 15 mai de l'an de grâce, disgrâce, que dis-je, 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement en compagnie de cette ignoble créature aux allures peu recommandables et douteuses, Sinistros. Que de beaux compliments. Que la réalité, la vérité, bien sûr, évidemment. Mais j'apprécie que tu apprécies. Mais à force de recevoir des fleurs comme ça, le pot va finir par arriver. Indéniablement. Oui. Comment vas-tu? C'est pas de tes affaires. Mais c'est ce que je pensais aussi. Mais tu sais, moi, j'essaie d'être poli, je te le demande, mais tu me le demandes jamais. Tu préfères un effort. Et comment vas-tu? Va te faire foutre. Merci. Bien, ce soir, ce sera la cinquième capsule de l'évolution métallique selon notre ami Sinistros. Imaginez-vous donc que Sinistros ne s'est pas compté plus qu'à 3. Ben, tu sais compter jusqu'à 4. Non, mais malheureusement, après 3, c'est n'importe quel chiffre. C'est aléatoire. Fait qu'on y va. Okay. Fait qu'il a mis un 4. Ben, c'est ça. Sur le poster qui est sur le Facebook de réanimation, vous allez voir que c'est l'évolution métallique 4, mais dans les faits, c'est le 5. C'est pas que ça vaut qu'il est petit encore, il est 4, jeune. 4, 5, 10, 150. Tout pareil. Oui, on voit que t'administres bien tes choses, toi. Donc, c'est la cinquième capsule, segment de l'évolution métallique, selon notre ami Sinistros, comme je le disais, présentation. Une seule présentation ce soir. Celle de la formation suédoise Lick, qui donne dans un death metal la tendance. C'est ça. Et pour le reste, micro spécial crossover. Ainsi que. Fait que tu vas mettre 30 tonnes en 3 minutes. Oui, à peu près, oui, c'est vrai. Non, mais blague à part, tu sais, habituellement, on fait des blocs de 3 pièces, là. Ben là, pour à peu près 5 minutes moins de temps, j'ai réussi à en mettre 6. Sinistros qui nous fait aussi un bloc qui s'adresse au Viking Metal. Oui, et un autre bloc aussi qui. Ouais. Va sûrement te plaire beaucoup avec des petites flûtes et des petites. J'ai vu ça. Des petites fées, des dragons. Je pense pas me trouver des hot dogs à les faire pendant ce temps-là. À l'instant, en ouverture d'émission, avec ce premier bloc, c'était la formation Death Angel de Californie et la pièce Succubus. On trouve sur. J'aurais tendance à dire l'album qui m'a peut-être le plus marqué de la formation. Un album qui est paru le 11 octobre 2013, soit The Dream Calls for Blood. Sous étiquette Nuclear Blast. J'ai beaucoup aimé cet album-là. Death Angel, j'ai toujours trouvé que c'était un groupe honnête et correct, mais j'ai jamais été un grand fan de ça, honnêtement. Ben, c'est sûr que c'est pas un groupe super épatant non plus. Ben, je trouve pas, non. T'sais, non. Ils ont fait des bons trucs, ouais, mais bons trucs. C'est pas tout le temps égal. T'as raison, c'est pas toujours égal. Mais cet album-là, je trouve qu'il s'est démarqué. Juste avant, d'Allemagne, Sodom, et la pièce-titre In War and Pieces, qui est paru le 19 novembre 2010 sur Steam Hammer avec Uncle Tom and Joel Ripper. Et on a ouvert avec A Testament de la Californie également, à l'instar de Death Angel et la pièce The Evil Has Landed du très bon The Formation of Damnation, leur 10e album paru le 27 juillet 2008 sur Nuclear Blast. Ça aussi, c'est un des très forts, selon moi, de Testament. Oh, c'est un très bon, ça. Ouais, je pense qu'il est vraiment bien. Il se démarque, lui aussi, de la discographie du groupe, qui est relativement. C'est garni. Cool. Oui, garni, mais tu sais, c'est pas. T'as pas beaucoup d'albums. Non, mais il faut dire qu'il y a eu une période d'à peu près 10 ans où ils ont arrêté. Là. Bon, en fait, c'est 9 ans précisément, je pense. Sinistros, avant que tu nous parles de tes élucubrations, de ce que tu crois être l'évolution métallique, là, oui. On peut te laisser tes illusions, on va aller en pause. Ah, Michel Richard, ça marchait pas là-dedans. Hein? J'ai pas dit que ça marchait pas. Dans l'évolution métallique? J'ai jamais dit que ça marchait pas. Ah, okay. J'ai juste dit que tu peux te ridiculiser comme tu le voulais. Ah. On revient. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neuron, les lundis 20h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. We're back. Le Dr. Pendragon hors onde a l'air bouche bée devant son écran d'ordinateur. Oui, c'est parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas là-dessus. C'est des choses que tu comprends des fois. Non, ben c'est en fait la question plus courte de cette façon-là. Non, c'est marqué plein de choses dessus qui bougent. Là. Qui bougent. Ah non, je viens de comprendre, c'est moi qui bouge. D'accord. L'évolution métallique selon Sinistros, segment 5. Mais j'ai oui. hâte de voir ce qu'il va nous amener là. Et on va frapper je le vois déjà. Là, mais... oui. Mais pas les téléspectateurs. Non? Non, mais on va falloir le mimer pour mal entendre. Oui, c'est parce que semblait-il que la radio et la télévision, il y a une nuance entre les deux. Petite, légère. Ah, petite, d'accord. C'est le bois. Wow! Et l'esprit vif est pointu ici. Hein? Oh, OK. On va frapper les années 1977-1978 et 1979. Ouais. Trois artistes fort différents les uns les autres, mais qui ont évolué, qui ont fait faire l'évolution métallique à leur façon. Mais tu sais, Sinistros, sans vouloir te couper outre mesure, que ces années-là sont vraiment cruciales. Ce sont des années pont vers le véritable heavy metal. Oui, effectivement, effectivement. Ce qui était reconnu comme étant, dans les fins des années 60, 70, heavy metal, mais pas dit sous ce terme-là, maintenant prenait vraiment sa signification. Oui, surtout que le punk commençait, tu sais, avec ouais. The Clash, les Sex Pistols, The Damned et compagnie. Fait que t'avais le côté très, très punk en Angleterre, puis même les Ramones aux États-Unis, tu sais, ouais. Où ça vargeait quand même pas mal. Puis, il faut se dire que le heavy metal est né un peu grâce au punk aussi. Ouais, ça, je suis un peu moins d'accord. Ben, regarde, écoute, ils sont allés chercher un peu l'énergie du punk pour le mixer avec... Peut-être l'énergie. Peut-être, c'est vrai. Mais musicalement, je pense que c'est un peu c'est encore très, très hard rock. Mais l'énergie, ouais, t'as peut-être raison. L'énergie, puis le kit, puis la façon de véhiculer le message qui est en arrière de ça. Ouais. Tant sur album que sur scène, tu sais. Mm-hmm. On va commencer avec une formation, avec un premier album. Premier album d'un bonhomme qui jouait dans Hawkwind puis qui a été roadie pour Jimi Hendrix. C'est ouais. Un bonhomme qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence énormément. Sur toute cette sphère métallique-là. Avec le premier album, une pièce titre qui a donné le nom au groupe, mais qui était aussi une reprise de Hawkwind. Bien en sûr, fin de compte. Bien sûr. La pièce Motorhead de Motorhead qui est parue ouais. sur le premier album de Motorhead en 1977. Et bien sûr, tu parlais de Ian Fraser Kilmister. Lui-même en personne, avec une pièce reprise de Hawkwind, justement, mm-hmm. mais beaucoup plus rapide, oui. beaucoup plus heavy. Oui. On amenait un son beaucoup plus distorsionné et le psychédélique prenait le bord beaucoup. Là. Oui, absolument. On se garochait vraiment dans du pur rock'n'roll très heavy. Par la suite, on va avoir une formation américaine qui ont eu deux premiers albums très obscurs, oui, pas très, très connus. Le groupe est devenu connu grâce à la mort du guitariste, finalement. Quiet Riot. Pourquoi ouais. je mets Quiet Riot là? Parce que le guitariste, c'était Randy Rhoads. Exactement. Et Randy Rhoads est un pilier de la guitare heavy metal. Tout à fait. C'est lui qui a redéfini la façon de jouer, la façon de faire des solos et tout. C'est sûr et certain qu'on va dire, ouais, c'était quand il est arrivé avec Ozzy qui a fait ça. Ben non, il a commencé ça bien avant. Ben, je dirais que je le mettrais sur le même pied qu'Eddie Van Halen. Oh, 100% d'accord deux avec toi. Deux guitares Hero qui ont transformé la façon de jouer. 100% là. D'accord avec toi. Fait qu'on va entendre une pièce du premier album qui est paru en 1978. Là, c'est pas comme Metal Health, là. Non. Côté beaucoup plus hard rock, à ouais. la limite glam, un mm-hmm. peu comme ce que les New York Dolls pouvaient faire, mais un brin plus élevé, là. Mm-hmm. Puis on va voir Saxon, oui. les pionniers du heavy metal anglais avec oui, oui. Judas Priest, avec le premier album c'était pas piqué des verres, ça non plus. C'était comme un gros cri. Oui, ça accède. On amenait le cuir, le jeans, puis les épées, puis on commençait sur le gros trip heavy metal. Exact. Fait qu'on commence tout de suite avec la pièce Motorhead de la légendaire formation anglaise Motorhead. Let's go. Yeah. S'il est pas lisson, hein? En race, il en revient juste pas. Il est en train de se dire que le gars qui vient de chanter, là, il a maintenant 67 ans aujourd'hui. Il a 69 ans. 69, en tout cas, bref. Mètres, moi, je me rappelle plus. 67-69. Pas mal tout pareil, ça. Il est dans 51, fait qu'il a 67. Beef! Puis il a 67 ans, je te l'avais dit. C'est ça. Saxon, avec le premier album intitulé tout bonnement Saxon, qui est apparu sur Carrere Records en 1979, le 21 mars, avec la pièce Stallions in the Highway. À l'époque où Biff Bifford avait une voix claire, ça a comme changé au cours des albums. Tout à fait. Ça a mûri son affaire. Oui, oui, absolument. Une formation qui a vu le jour sous ce nom en 78. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a débuté en 70 sous le nom de Blue Condition. Imagine-toi. Donc. Et il ne reste que deux membres de 77, c'est-à-dire l'année avant qu'ils deviennent Saxon. Ils étaient même son of a bitch avant, c'est-à-dire Paul Quinn à la guitare et Biff Bifford au vocal. Formation pionnière. Hein? Pionnière du heavy metal avec Judas Priest aux États-Unis, excuse-moi, en Angleterre. Ouais. Priest ont commencé 4 ans ou 5 ans plus tôt. Là. Oh non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas ça. Ouais, c'est l'invasion. C'est ça, c'est en plein ça. L'invasion britannique, comme on le sait, ce qu'on appelle la New Wave of British Heavy Metal, ça part avec ça. Oui. Quiet Riot, c'est sûr et certain que c'était pas très, très heavy metal, mais ça augurait pour ce qui s'en venait, là. Les solos époustouflants de Randy Rhoads. Ben, tu sais, Sinistros, Quiet Riot, ça peut paraître pour certains un groupe underdog, mais ça a marqué, là. Mais non, ça l'a marqué. Puis faisons abstraction même de la période de Common Field of Noise et compagnie, le Metal Health. Oui, ils ont été très populaires à l'époque du Ozzfest et compagnie. Oui, c'est ça. Mais Quiet Riot a sa place parfaitement dédiée dans cette évolution-là. Formation qui a quand même vu le jour, sous un autre nom, en 73. Oui, c'est ça. Mac One. Pour prendre le nom de Little Woman en 75 et de 75 la même année prendre le nom de Quiet Riot. Donc c'est encore un autre groupe pionnier. On a des gros noms qui ont passé là-dedans. Là, Quiet Riot, oui. Rudy Sarzo à la base a joué là-dedans. Chuck Wright a joué là-dedans. Craig Goldie a joué là-dedans. Frankie Ballani. Sans oublier Randy Rhoads. C'est sûr, Randy Rhoads, c'était son band à lui. C'était son band. Qui ont réussi à sortir deux albums avant qu'ils soient repêchés par Ozzy Osbourne. Quand même, je dirais un 4 ou 5 ans plus tard. Là. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Fait qu'on a entendu la pièce Ravers qui est parue sur le premier album, qui est parue également le 21 mars, mais 1978, un an plus tôt que celui de Saxon. Puis on a commencé avec la légendaire formation Motherhead. Oui, la formation classique. La formation classique, qui sont tous décédés aujourd'hui. Oui, malheureusement. Ils sont tous décédés à quelques... Ben en fait, à environ deux ans et demi environ, c'est sont ça. Les comptes mois à mois là, de l'intervalle. C'était la pièce Motorhead, qui est en fait une reprise de Hawkwind, le groupe précédent de Lemmy. Oui. Et c'est paru sur le premier album Motorhead, qui est paru le 24 septembre 1977. Absolument. Il faut que je te donne cela, mon cher Sinistros, et quand je dis cher, c'est pas préjuratif. Là. Non, non. C'est le prix que tu coûtes, je trouve. Tu faisais mon cheap Sinistros, ça, tu sais. Ouais, je peux le dire aussi. Je vais dire hors onde, OK? Okay. T'épargner, que tu gardes au moins une certaine dignité. Je trouve que c'est très crédible ce que tu apportes comme évolution métallique, compte tenu du fait que tu inventes tout ça. Oui, je sais. Ces groupes-là n'existent même pas. Là. Pas! Mais on y croit! Tu sais, il y a juste la réanimation qu'on peut entendre ça, ces albums-là, ça existe nulle part ailleurs. Mais si tu savais le travail de composition que j'ai fait, mon ami, brusir à faire ça. J'imagine. C'est le travail de production. Ben oui, c'est sûr. Mais là, écoute, je suis obligé de te dire qu'avec Montréal, t'aurais pu te forcer un peu. Par oui, effectivement. Mais avoue que la baisse est quand même bien fait. Oui, c'est bien, c'est correct. Bon, écoute, c'est tout à ton honneur. J'ai réussi à emprunter ta Rickenbacker. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Non. Ça va faire ça pendant que je t'occupais à ramasser tes niaiseries. C'est hein? ça. OK. Il est 19h44. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistros et Dr. Pendragon. On va y aller tout de suite avec la présentation de la semaine. Présentation de la semaine. Oh, ça sonne. Présentation de la semaine. Oui. On est fous. Une formation je qualifierais de... Présentation de la semaine! De Death and Roll. Tu aimes le Death and Roll? Oui. OK. Pas tout, mais il y a des... Il y a des bonnes affaires. Il y a des bons trucs. Formation de Stockholm, ça c'est en Suède, pas situé géographiquement. C'est vrai, ça? La Suède, c'est à côté de la Chine. Puis la Chine, ben c'est la ville voisine ici. Ah! Bon. La Chine, c'est pas Montréal, ça. Ben, ça s'en vient de plus en plus. OK. Lick, L-I-K. Formation qui... En fait, comment pourrais-je dire? Une formation que j'ai découverte avec cet album-là qui s'appelle Carnage, qui est sorti quand même sur Metal Blade Records, un major dans le monde du métal. Ma chronique est très courte, mais elle est assez explicite dans le sens que... explicative, plutôt, je devrais dire. Un groupe comme il y en a beaucoup d'autres, oui, mais cela ne veut pas dire automatiquement que ce n'est pas de qualité. Tu es d'accord avec moi? 100% d'accord. Bon, OK, mais c'est pas ça pour toi, j'ai écrit. Certes, Lick donne dans la même voie que d'autres nombreuses formations métal du genre, mais il reste que il y a un petit quelque chose de charmant dans cet album-là qui est pas généralisé par contre. Il est très inégal. OK. Mais la pochette est tellement belle que pour ça, j'ai donné un 6 sur 10. Bon, juste pour la pochette, c'est bien. Ben, c'est quand même bien. C'est un bel effort graphique, je dois dire. Je vous propose deux pièces de Lick, soit la pièce d'ouverture de l'album qui s'appelle To Kill et la cinquième qui, elle, porte le titre de Left to Die. Lick, let's go. La formation suédoise de Stockholm, LIK, L-I-K, à ne pas confondre avec une autre formation du même nom et de la même orthographe, qui, eux, viennent de Suisse également, mais qui donnent dans un black metal rock que je ne connais pas du tout. Une autre qui porterait le nom de LIK Instini, mais avec des écritures de même, j'ai l'impression que c'est un groupe russe. Anyway. Deuxième album pour cette formation, l'album Carnage, qui est paru le 4 mai dernier sous étiquette Metal Blade. Un album, comme je disais, qui est loin d'avoir se démarquer. Des bons riffs, mais ça sonne déjà entendu. Ça sonne effectivement déjà entendu. La production est un peu moyenne aussi. Ça a le grain de Swedish Death Metal. Exactement, tout à fait. Tu prends une pédale heavy metal HM2 de boss, tu mets tout dans le fond, puis c'est ça. Ouais, effectivement. Moi, le Death and Roll, j'ai vraiment pas ça. Là. Honnêtement, il y a des groupes que j'aime beaucoup. Des bonnes affaires. Mais je qualifie ça du easy listening du métal. Là. C'est, oui, c'est... Ça te prend pas grand effort. T'en vas dans ton char, puis c'est ça. Ça cruise. Tu le cruise, c'est ça, exactement. Bref, on a entendu la pièce Left to Die à l'instant, et c'était précédé par la première, et qui est également la première de l'album, To Kill. Album auquel j'ai donné une note de 6 sur 10, qui veut dire pour Sinistros une note nettement dégueulasse. Ben, Dimmu Borgir, par exemple, ça méritait une note semblable. Ah oui, oui, je me rappelle pas la note que tu as donnée, oui. Par exemple. C'est quoi? C'est à peu près ça, 6 sur 10, et j'ai été extrêmement généreux. Bon, c'est là qu'on se rend compte pas. Si tu... Écoute, je sais que tu n'as pas vraiment apprécié le dernier Dimmu Borgir. J'ai lu ta chronique. tout est aussi invraisemblable que les autres. Évidemment, je dois le dire. Là. Oui, oui. Mais je parle de l'album, moi. Mais quand tu donnes une note de 6 sur 10 dans ta moyenne, parce que toi, tu y vas par différents champs décortiqués. Oui, oui, oui. En fait, c'est une déformation professionnelle. Sinistro, c'est habitué de décapiter en tranches. Fait qu'il fait même c'est des tranches égales. Oui, okay. Oui. Mais moi, je l'ai pas écouté encore le niveau des Dimmu Borgir, mais toi, tu sembles pas l'avoir vraiment apprécié. Tu donnes une note de 6. Et moi, j'ai trouvé ça correct. Je donne une note de 6. On n'a pas les mêmes standards, finalement. Pas du tout. On va aller en pause publicitaire tout de suite. D'accord. Oui? Oui. D'accord. T'es sûr? Absolument. D'accord. Les amateurs de musique blues, écoutez Très Blues Assez Fou le jeudi 19h. En compagnie de mes collaborateurs Steven Hubert et Nice Bourgeois, ainsi que du bluesman de réputation internationale Paul Deslauriers, chaque semaine nous vous ferons vivre la musique blues de ses origines au blues aujourd'hui. Palmarès, histoire du blues, découvertes, discussions et entrevues sont au menu de Très Blues Assez Fou. Une émission réalisée par Patrick Boucher, animée par Denis Baudin. Soyez des nôtres le jeudi 19h pour 3 heures de blues. Très Blues Assez Fou, à l'antenne de C'est Fou, 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Bon. C'est le moment, c'est le premier moment de l'émission où je vais commencer à envisager fortement de me mettre des bouchons dans les oreilles. Vire pour fou. Pourquoi? C'est mais juste... c'est déjà fait. Ah, OK. Vire fou de bon. Bon. C'est juste un bloc de musique symphonique agrémenté d'un petit peu plus d'épices. Oui, des épices que j'ai de la misère à digérer. Tu aimes ces petites flèches? Et puis maintenant. Ah. Ben oui. Mon chien mort. Ben, bien sûr que j'aime cette question. C'est des bandes qui rentrent dans la même catégorie que Septic Flèche, Samael et compagnie. Là. C'est rien de rien de sorcier dedans. Là. Ben, avec un nom comme Balsagoth, c'est pas mal sorcier. Ben oui, mais là, c'est ouvre ta culture musicale. Balsagoth est un groupe anglais. Non. Assez pionnier. Pas sérieux. Je pensais que c'était un démon, moi. Ah. Ah ouais? Ben oui. Ben, regarde donc ça, toi. C'est un groupe qui a été quand même pionnier dans le métal extrême symphonique. C'est ça le groupe. Hein? Je connais le groupe. Tu connais le groupe, bon. Ben, arrête mais non, mais pour les auditeurs, profite de ton savoir aux auditeurs. Oui, Atlantis Ascendant, qui était un excellent album, qui est paru en 2001 sur Nuclear Point, parce que t'as pas écrit le restant. Mais on le sait, c'est restant après. OK. Tu remarqueras que je le marque jamais, Blast. Je le sais. Je fais exprès. Juste à chaler. D'ailleurs, je me demande pourquoi, quand j'écris Season of Mist, pourquoi je ne mets pas juste Season. On saurait que c'est Of Mist. Ah oui, ça pourrait être des assaisonnements aussi. Ouais. Mettre de l'épice un peu. Ouais, toi pis ton épice. Oui. Bon, c'est sûr et certain que mon petit bloc est un petit peu noirci légèrement. Ben enfin, oui, hein? On tombe pas dans un black metal pur et dur comme Temtang. Oui, définitivement. Ça sera suivi de la formation néerlandaise Karak and Gren, qui est présentement le band symphonique par excellence. Ben, en tout cas, t'as l'air à bien aimer ça. Oh, j'aime bien ça. T'en penses à tous les semaines? Ben non, à toutes les deux semaines. C'est pas mal vrai. Et on a un groupe qui provient d'un pays qui est un petit peu plus moins propice, un petit peu plus... Mais plus épicé. Plus épicé, effectivement. Ben oui. La chaleur règne, le kit, c'est moins propice au métal. Ça vient des Indes. Ben oui. Avec un excellent album que j'ai découvert en 2017. La pièce va s'intituler « Kurma ». De tortoise. Et je suis allé voir les titres de l'album. C'est tout quelque chose de. Oui, de. Nom de. Oui, c'est de, ça. De, oui. Formation Demonic Resurrection qui font dans un death black metal très symphonique, mais aussi assez teinté des origines de leur pays. À tendance ballet jazz. Ah non, baladie. Pareil. Ah, excusez. J'avoue mon ignorance. Alors, si vous aimez les cuivres, les cordes et les la broche, la puis broche, les deux par quatre. Les doigts d'un trappe à souris, ben allons-y. Balsagoth, Atlantis, ça me... Ah, c'était trop bon. Ah, je pense que vous savez que vous êtes à réanimation. Let's go. Delight is tight and reaches out. She grabs its little arm. et bien. Eh bien, tout est bien, Guy. Finis bien. Ben, mieux. Donc, finis mieux. Ça rime pas, pas ça. Non, monsieur. S'en fout, là. Non. La conformité n'a pas sa place. T'as bien raison. Demonic Resurrection. Ouais. Des Indes. Mm-hmm. Pas des cochons d'Inde. Non, non, de Mumbai. De Mumbai. Avec la pièce Kurma de Tortoise, c'est paru sur l'album Dashavatar, qui est paru le 15 mars 2017, de façon très indépendante. C'est un album qui me semble être conceptuel. Oui, c'est tous des personnages. Ouais. Il y a même Bouddha Tremblay là-dedans. Bouddha de Teacher, Kurma de Tortoise qu'on vient d'entendre, Matsya de Fish, Varaha de Boar, Vanama de Dwarf, et ainsi de suite. Donc, la pochette est superbe en passant. Là. C'est vraiment une très belle pochette. Musicalement parlant, c'est assez très bon. Ben, j'ai trouvé ça correct. Honnêtement, là, ça vaut la peine que je m'aventure un peu plus dans cet album-là. Ouh. C'est pas vrai. OK. Il me semble bien aussi qu'il y avait anguille sous roche, sauf qu'il n'y a pas de roche. Non. Il y a une anguille, par exemple. Karak Engren avec la pièce Blood Queen, qui est parue sur Dance and Laugh Among the Rotten, qui est parue le 16 juin 2017 sur Season of Mist. Et Balsagoth, groupe anglais, avec la pièce titre de l'album Atlantis Ascendant, qui est paru le 17 avril 2001, dis-je, sur Nuclear Blast. Ah, mais ça, décidément, le Balsagoth, c'est pas pour moi. Non, je sais que t'aimes pas... Non, c'est trop féluette. Ben, c'est sûr et certain que à cette époque, le symphonique était fait avec des claviers... Les cuivres sonnent plus comme de l'aluminium. Là, ouais, ben c'est sûr et certain que le budget dans le métal est peut-être un peu moins élevé. Là. Ben voyons donc, toi, tu me déçois beaucoup de dire ça. Moi qui croyais que le métal, c'était la musique la plus populaire au monde. Ah oui. Oui, bon. Si le monde se restreint à réanimation, disons. Je vous parle de cinéma. Je vais commencer parce que j'ai le moins apprécié. Oui, je crois que c'est ça. Tu te rappelles de Robert Englund? Bien sûr, Freddy Krueger. Ben oui. Ben c'est un film qui met en vedette Robert Englund et Jason London qui porte le titre de Night World. C'est un film qui a été réalisé l'an dernier. Ça veut dire 2017, Sinistros. Oui? Non. Ah. Oui. Et c'est un film d'horreur qui... Le synopsis est Brett Anderson, un ancien officier de police, accepte un poste d'agent de sécurité dans un vieil immeuble de Sofia en Bulgarie. Mais rapidement, une série d'événements inexpliqués et terrifiants va le forcer à enquêter sur l'histoire de l'immeuble et de ses précédents occupants. Je dis, bon, ça pourrait être intéressant, ça. Ben, ça pourrait être intéressant. Oui, oh, c'est ça. Ouais. Malheureusement, c'est un film qui s'attire énormément pour arriver avec... C'est tu sais, quand tu lis un livre, ah, c'est vrai, tu sais pas lire, toi. Non, je sais pas lire. Ben, mettons que tu regardes des images. Ben, mettons que t'écoutes un album de Dimmu Borgir. Oui, c'est ça. C'est pas pas tu t'attends qu'il y a quelque chose de bon à un moment donné. Ça arrive pas, ça, ben, ou très peu. Donc, j'ai pas vraiment aimé Night World, c'est assez décevant. Un film, par contre, que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Ben, toi, t'es pas un fan de Clint Eastwood, hein? Pas vraiment. En tant qu'acteur ou réalisateur? En tant que pas mal tout. Ah, OK. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les deux. En fait, c'est un de mes acteurs, je dirais, pas favori, mais quasi. Mais c'est un de mes réalisateurs que je considère comme étant excellent. Clint, qui a 88 ans aujourd'hui, qui réalise toujours des films. Ça, c'est un tour de force. Je parle du film de le 15-17 vers Paris, qui raconte l'histoire véridique et historique, devrais-je dire, l'avortement d'un attentat dans le trajet du train qui relie Amsterdam à Paris. Ben, en fait, cette portion-là, où trois amis d'enfance, dont deux militaires, ont décidé de faire un voyage sac à dos à l'épaule pour se promener en Europe. Ils prennent ce train-là pour se rendre à Paris, malgré les deux autres, parce qu'il y en a deux sur trois qui veulent pas voir Paris pour des raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer, je suppose, là. Mais ils y vont quand même parce que le troisième y tient beaucoup et il y a un terroriste qui s'est infiltré dans le train pour faire une attaque avec un Kalachnikov, avec une arme de poing, une arme blanche. Et eux, dans ce qu'ils ont appris, deux sur trois, ce qu'ils ont appris au niveau militaire, réussissent à désarmer le terroriste, lui sacrer une méchante volée et de pouvoir sauver une personne qui est atteinte d'un projectile. Donc, c'est un fait réel. Et qui plus est, le film a été fait avec les trois véritables personnes qui ont vécu ça. C'est vrai? Oui, donc ils ont joué leur propre rôle. C'est un film qui s'adresse pas à tous, par contre, Sinistro, je dois te dire, parce que je dirais que les deux tiers du film racontent un peu la vie. On s'entend dessus, c'est un peu niaiseux d'aller chercher j'imagine, pour faire plus véridique et honnêtement, c'est trois personnes qui sont absolument pas acteurs, qui bien débrouillés. On est un peu chauvin, là, tu sais, on se monte, on est des super-héros. Ben moi, je trouve que c'est original. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'est original. Okay. Mais c'était un film qui raconte beaucoup l'histoire de ces jeunes-là, de leur enfance, de la façon qu'ils sont devenus amis et leur séparation dans diverses carrières pour en arriver à ce voyage-là. Donc, moi, j'ai trouvé que l'aspect drame social était intéressant, mais c'est pas pour tous. C'est un film que j'ai quand même bien aimé, de 1517 to Paris. C'est un drame, un peu de thriller dedans vers la fin. J'ai trouvé ça quand même bien. Ce que j'ai aussi assez bien apprécié, c'est la deuxième saison de The Frankenstein Chronicles qui met en vedette Sean Bean, le frère de Mister. Ouais, OK. Je pense. Non, j'ai aucune idée. Est-ce que tu as vu la première saison? Non, pas du tout. Ben, tu veux que je te mette en situation? Vas-y. Non, pas du tout, je m'attendais à voir. Pas bon. Du tout. OK. Ben, le Frankenstein Chronicle, au contraire de ce qu'on pourrait croire, ne raconte pas une histoire de Frankenstein. Mais c'est l'histoire de Cendrillon. Voilà, et du chaperonnette à poids. Avec Lucas Leloup. Lupin le Vorace. Oui, tu connais pas tes classiques pour enfants, toi. Ça se passe évidemment à la même époque parce qu'on voit Mary Shelley dans la série, celle qui a créé Frankenstein de Prométhée. Mais c'est l'histoire de John Marlott, qui est un enquêteur de Scotland Yard en Angleterre. Donc, c'est une situation très victorienne et très poisseuse pour l'Angleterre de l'époque. Moi, c'est des époques que j'aime bien. Oh, c'est sombre. C'est très sombre. Qui enquête sur des meurtres qui sont de plus en plus rattachés à ce que Victor Frankenstein aurait fait pour concevoir sa créature. Donc, des créatures, des corps qui sont refaits à partir de différents membres, dont les organes ont été prélevés, et ainsi de suite. Donc, c'est, oui, il y a une connotation horreur, bien entendu. C'est policier, c'est mystérieux, c'est suspense. Et la deuxième saison est bien, par contre, un petit peu moins forte que la première. Un petit peu moins forte. Mais elle se termine sur une note qui laisse présager que ça va pas si bien que ça, finalement. Un si bémol, finalement. Ouais, c'est assez gros, ça. Ouais. Donc, Frankenstein Chronicles, saison 2, c'est intéressant pour ceux qui trippent sur le phénomène du Prométhée Frankenstein, dont je suis, mais aussi pour l'aspect reconstitution qui est excessivement bien faite. Et bien sûr, Sean Bean, c'est un excellent acteur. Et il joue très, très bien le rôle de l'inspecteur John Marlott. En fait, il est très bien épaulé et secondé de la part des autres acteurs. Et ce vendredi, ne t'en déplaise, c'est la sortie de Deadpool 2. Deadpool 2, qui est bien sûr un film de super-héros de Marvel. J'avais beaucoup aimé le premier Deadpool. Par contre, j'ai trouvé ça un petit peu poche là, qu'on prenne une pièce de Céline Dion pour mettre dans la trame sonore du film, pour en faire la promotion, et qu'on ait réalisé un clip avec Deadpool qui est en talons hauts, qui danse autour de Céline. J'ai trouvé ça un peu poche, merci. Ah, moi, j'ai pas aimé le premier Deadpool. Ouais, je sais. Puis je ne courrai absolument pas pour aller voir ce film-là. Non, moi non plus, je ne courrai pas. Je vais y aller en marchant. C'est trop soufflant à courir. Ah ouais, c'est vrai que rendu à nos âges, c'est plus dur. Que veux-tu? Il est 20h27, on va aller en pause publicitaire, et puis tout de suite après, on revient avec ce petit spécial crossover. La machine a remonté le tympan. Votre émission consacrée aux musiques pré-rock, folk, country et blues. Tous les dimanches à 18h à C'est Fou 89,1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Food Rock. ou 89.1. De pleurer, c'est une strousse. Bon, c'est pas parce que je t'ai les 3-4 ta poche, là. Que... 20h28, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de lui et de moi. Et ça jusqu'à 21h. Notez que c'est l'avant-dernière émission. Oui. L'avant-dernière émission de la saison, c'est-à-dire que la semaine prochaine, bah, vous pouvez déduire que c'est la dernière et après, nous serons de retour seulement en septembre. Oh. Que de tristesse à venir. Mais qu'aurons-nous la semaine prochaine? Vous le saurez tantôt. Ben, c'est ça. Allons-y avec cette petite portion de 14 ou 15 minutes environ que j'ai consacrée au crossover. Je sais que toi aussi t'aimes beaucoup le crossover. Oui. Moi, j'étais un fan, je dirais, et je reviens à ça tranquillement. Ben, c'est intéressant de voir que des groupes d'aujourd'hui qui ont réussi à sauvegarder cette essence. Ouais, absolument. C'est des groupes comme Iron Reagan ou Power Trip, ou tu sais, ils ont oui. une belle essence. Effectivement, crossover. Moi, dès le départ, disons, c'est la mi-80 principalement où le crossover a fait émergence, qui est un mélange de punk et de trash, si on veut. Ouais. Il y a beaucoup de formations sur lesquelles j'ai accroché, évidemment. Il y en aurait pour faire une émission complète et plus là-dessus. S.O.D. est une des classiques. Tout à fait, que je n'ai pas retenu ce soir, mais qu'on a passé à l'occasion et plus d'une fois d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on voit de plus en plus de groupes actuels qui ramènent un peu cette essence-là de crossover. Et souvent, c'est intéressant aussi. Ça réinvente pas la roue, on s'entend, mais bon. Dans le prochain 15 minutes que je vous propose, on va entendre des formations Toxic Holocaust, Broken Bones, DBC, Crumbsucker, Agnostic Front, mais tout de suite, à l'époque où ils étaient encore très bons, Suicidal Tendencies et Join the Army. Let's go! We put up a fight. Go ahead. Make my day. Salut, c'est Eddie, le guitariste de DBC, et vous écoutez Réanimation sur C'est Fou 89.1 FM Trois-Rivières. I'm a Church. Final rites recited as the fire begins to burn. Cursing all the holy men, the flames are going higher. No fear in her eyes as the bitch does my fire. Fire up, stop the fire. Burning in torment alive. Four crimes, four sins. The bitch will be burned at the stake. Bon, il y a peur, là, ça. Toxic Holocaust. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti quelque chose, eux autres. Ben, un petit bout de temps, oui, effectivement. Ben, j'allais dire ban. Je ne sais pas trop si c'est juste Joel Grind. C'est Joel Grind. Oui, bon. Qui s'associe quelques camarades. Et la pièce Bitch, qui est tirée de Conjure and Command, qui est parue le 9 juillet... Pardon. J'ai un problème de vision. Voilà. Le 9 juillet 2011, c'était leur quatrième album sous Relapse. Juste avant, Broken Bones. Broken Bones, formation de crossover punk qui existe quand même depuis 1983. Mais ça avait parti au départ, c'était carrément du punk hardcore, là. Ouais. 83, non-stop jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça existe encore. Bien sûr. Par contre, le dernier album date de 2010. Bon, ils ne sont pas excessivement... Ben, d'après ce que je peux voir au niveau de la discographie, c'est environ une moyenne de... Depuis 2001, à peu près à tous les 5 ans. Et avant, le dernier album datait de celui dont j'ai passé un extrait, de 1991, soit Stitch Up. Et la pièce Propaganda. Ben, c'est le cinquième album paru, comme je l'ai dit, en 91 sur Rough Justice. Très mauvaise qualité de production. Mais il y a des bons trucs sur Broken Bones. Il y a des bonnes idées. Effectivement. Tout de suite nous avions Dead Brain Cell, DBC de Montréal, formation qui est toujours active depuis, qui a remis du service en 2005. Et la pièce Power and Corruption, très bonne pièce parue sur le premier album DBC, paru en 87 sur Combat. Nous avions de New York, Crumb Suckers et Bullshit Society, tiré sur le premier et le seul qui vaut la peine, ouais, Life of ça. Dream. Ouais. Ben, en fait, il y en a deux, t'sais. Beast on My Back, le deuxième, ouais, qui n'est pas très bon. Non, définitivement pas. Paru en 86 sur Combat Core. Agnostic From de New York également, et la pièce Time Will Come, c'est tiré de leur deuxième album Cause for Alarm, qui est paru en 86 sur Combat. Ce jour, c'est toujours mon préféré. Et on a ouvert avec Suicidal Tendencies de Californie. Et Join the Army, cette pièce, ce titre de ce deuxième album paru le 9 juin 87 sur Caroline. Et celui-là aussi, c'est toujours mon préféré jusqu'à présent. Il est 20h48. Je vous rappelle que ce vendredi, ici même, à Cifou 89.1 FM, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est le traditionnel 3 pour 1. Mais cette semaine, c'est une émission spéciale parce que, ben, pas parce que j'y suis. Oui, ça fait déjà 3 semaines, presque un mois, je n'y suis pas allé. Mais parce que DJ Tower of Death va être là. Oh, oui. Le party, il va manquer juste l'informe sinistre. Il va manquer juste l'informe sinistre. C'est quasiment mieux pour vous autres, finalement. Ben, non, ça aurait été le fun que tu puisses être là. Effectivement. Oui, ça aurait été vraiment le fun. Mais je sais que les occupations de gobelins, t'oblige à faire des gobelins. Le gobelin, il dégobeline le jour, voyez-vous. Oui, c'est ça. Donc, c'est de 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock ici à CFO 89.1 FM. L'émission de DJ Tower of Death ce vendredi. Ce vendredi. Subversion sur SoundCloud. Le blog de Sinistro sur lemort.com avec, et je vous invite à aller lire sa chronique du dernier Demo Bargain. Oui, c'est une de mes. Elle commence très bien. C'est une de mes très bonnes, ça. Oui, celle-là, elle est un peu moqueuse, mais très drôle c'est aussi. C'est caustique un petit peu. Oui, tout à fait. Hurlemort.com, et bien sûr, le site de réanimation, réanimationad.com pour les chroniques, ce qui est à venir, mes appréciations musicales et cinématographiques et ainsi de suite, j'en passe, et des moins bonnes. Nous allons continuer musicalement cette fois-ci avec, encore quelque chose. Oui, mais je viens de réaliser quelque chose. Tu réalises, toi. Il est 20h50, ouais, presque. Ouais. C'est arrangé pour avancer l'heure, pour éviter ce bloc-là le plus possible. Pense que tu peux. Puis, tu as réussi à passer ce bloc-là en dernier. Ouais, la sainte paix. Ah non. Moi, j'y vais en alternance. Je commence, oui, tu je suis, sais. Et ensuite, elle est là. Ah non, mais tu serais pas de rentrer dans le trip un peu, espèce de trip en dos. Pas du tout. Tout pour te planter. Un beau petit bloc de flûte et de et de rites païens et de tambourines et de farfeluterie. De farfeluterie. Falkenbach One Man Band allemand avec la pièce Where is Raven's Fly qui est parue sur l'album Tirlida en 2011. Tirlidamdidou. Tirlidamdidou. sur Napalm Records, on va voir la formation, défunte formation norvégienne Asmegin avec la pièce Fandens Malkebot. Oui, tout à fait. C'est paru sur l'album Arve, deuxième album de la formation, paru en 2008 sur Napalm Records. Et si on a le temps, ben, on terminera avec une belle petite pièce féerique de Borknagar. Intitulé Ocean's Rise, qui est paru sur Origin, qui est paru en 2006 sur Century Media. Exactement. La semaine prochaine, nous serons là pour la dernière fois avant le retour de l'automne. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Et ce sera la Mi-Undead. C'est la Mi-Undead. Voilà, Sinistros l'a dit. C'est-à-dire que la semaine prochaine, nous allons vous proposer ce qui, en ce presque début juin, ce qui constitue à peu près la mi-année, nous aura intéressé depuis le début d'année. Donc, la Mi-Undead. Pas grand-chose. Mais aussi une présentation d'une pièce de nouveau Skinless. Pas grand-chose. Bon, on a complété une émission quand ben même oui. Avec ça. C'est à voir. Vous allez en avoir non, mais c'est parce que si les 6 prochains mois, c'est pareil, on va être capable de faire un retour en direct dans 2 émissions. Peut-être même dans une. Allons-y. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. C'est eux. Getting freaky, does he? naked men.